Je voudrais aimer une enfant, une fiancée de hasard, que je croiserai en passant dans un gala de quelque part. Je voudrais aimer une enfant qui dans sa robe des dimanches me défierait du premier rang avec les yeux de l'insolence. Je veux l'épouser pour un soir, mettre le feu à sa mémoire, l'épuiser d'amour et disparaître dans la nuit. Je voudrais aimer une enfant qui me ressemblerait un peu, qui saignerait du même sang, qui brûlerait du même feu. Oh, je voudrais aimer une enfant pour quelques heures, pour le plaisir, la prendre un soir à ses parents et dans mes bras la voir dormir. Je veux l'épouser pour un soir, mettre le feu à sa mémoire, l'épuiser d'amour et disparaître dans la nuit.